Oh non, ce sont ma mère. Y'a que des gens qui parlent pour rien, que des trous du cul. Ils connaissent rien à la vie, ils sont là, ils racontent la vie des gens. Dis-leur la vérité, mon frère. Dis-leur ce qu'on connaît. N'écoute pas ceux qui parlent, mon frère. Et avance, trace ta route, n'écoute personne. T'inquiète, j'ai les mots. J'ai le flow qu'il faut. Shit. Arme de guerre dans le ghetto. Tu rentres en police, tu peux repartir en métro. Oh oh, s'il te plaît, arrête tes mythos. Oh oh, j'arrive, tout finit bientôt. On n'a jamais aimé les faux. Cric cric bang si tu fais le fou. À ce qui paraît, j'ai pris un coup. On me voit plus, je suis où. Moi, j'ai jamais trahi mes coups. Ceux qui aident ma mère à porter ses cours. Pour ceux qui parlent sous moi, je reconnais. On m'a dit ma bille, faut pas leur donner un minimum d'importance. Rappelle-toi, c'était les premiers à t'abandonner. Tu peux quitter le quartier, mais le quartier te quitte. Pas qui je suis, ils connaissent mon quartier, pas mes amis. Ils connaissent mon nom, mais pas qui je suis. Ils connaissent.